Les lessives. On faisait des lessives qu'on coulait ça toute la journée. On avait de grandes cuves en bois. Il fallait 3 jours pour faire les lessives. On mouillait les draps, on mouillait le linge. Puis le lendemain, on l'entassait dans la cuve. On mettait un peu de bois au fond. Un morceau de bois qui traversait le tour de la cuve. Et on mettait un chiffon pour que ça coule. On entassait ça, les draps, puis les linges, le plissard au fond, puis au-dessus le linge menu, les serviettes, les mouchoirs, les oreillers. Et on coulait ça toute la journée. On mettait une grande toile avec un sac ou un seau de cendre du four qu'on allait chercher au four. Il fallait que ce soit la cendre du four. Il fallait que ce soit bien cuit le cendre. Et puis propre. Alors on mettait ça sur la grande toile. Et puis on y mettait 2 seaux d'eau. On avait un grand chaudron qu'on pendait dans la cheminée. On le remplissait avec cette eau quand elle avait coulé. Et puis à mesure, on mettait sur la cure. Mais au commencement, il fallait que ce soit juste un peu tiède, puis toujours de plus en plus chaud. Et puis quand c'était bouillant, alors on coulait ça toute la journée. Et puis le lendemain, on allait laver ça aux fontaines, à genoux, et frotter toute la journée. On étendait ça sur les romarins, sur la spic. Sur le chêne et le linge, je sentais bon. Maintenant, avec cette machine, c'est la pure saleté. Mais on étendait dehors, sur l'herbe? Oui, je vous dis, sur les romarins, sur les aspics, les plantes qui sentent bon à la montagne. On allait laver ça aux fontaines. Et où elles étaient les fontaines ici? Les fontaines, elles étaient du côté de Saint-Martin-de-Cour, là-bas. On y allait à pied ou en charrette? En charrette, ceux qui avaient une charrette, on se débrouillait de se faire porter le paquet et nous, on pédalait. Et la lessive, on la faisait plusieurs familles à la fois ou c'était... On la faisait toutes les semaines, on sait bien. Quand il y avait assez de linge pour se déplacer. Mais le linge sentait bon. Et on la faisait combien de fois à peu près dans l'année? Ah, ça dépendait du personnel qu'on était, ça. Des fois, une fois par mois. Et c'était uniquement les femmes qui s'en occupaient? Ah, c'était que les femmes de la maison. Les ménagères. Mais il y a un lavoir à Mouriès, là, non? Ah, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Il y a des lavoirs, mais tout le monde a la machine à laver. Mais le lavoir, c'était pas pour la grosse lessive? Ah si. Ah oui? Oui, on avait fait des beaux lavoirs publics, et on les a démolis. Ah, mais alors quand vous partiez en charrette, c'était avant les lavoirs? Quand je parle de mon temps, on faisait 4 km pour aller laver. Maintenant... Ils se plaignent les jeunes, mais